ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Vous écoutez la radio Isanganiro. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal dont voici d'abord le sommaire. Le président de la transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, est en visite au Burundi ce vendredi. Il a rencontré le président burundais Evariste Ndayishimiye et les Gabonais résidant au Burundi. Le parti Frodebout plaide pour une gestion responsable des partis politiques. C'est au moment où le Burundi commémore le 30e anniversaire de l'assassinat des héros de la démocratie, Melchior Ndadaye. Le déblocage effectif des annales et avancement des carrières pour le personnel des institutions à statut spécial n'est pas possible avec ce mois d'août, comme annoncé le ministre de la fonction publique s'est exprimé dans un point de presse. Et plus de 10 millions de dollars, voilà le besoin exprimé par le gouvernement burundais pour mettre en œuvre la politique nationale du tourisme. Vous allez suivre les précisions dans un extrait du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi lu par le porte-parole du gouvernement dans son journal mis en onde par Eric et François Akimana à la présentation. Jean de Dieu et la cause est bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Débutons ce journal par la page politique. Les dirigeants du parti Sarwanya Frodebout estiment que la démocratie dont Ndadaye Melchior a été victime a connu des avancées significatives, même s'ils reconnaissent qu'il y a toujours des défis à relever. Dans une conférence de presse tenue à la veille de la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président de la République, démocratiquement élu et héros de la démocratie, les dirigeants de ce parti appellent les responsables des partis politiques, le Frodebout y compris, à ne pas faire de ces formations politiques des propriétés privées dans le but de consolider la démocratie. Les détails avec Evariste Nzikobanyang. Instaurer la démocratie au Burundi, c'était la principale mission de ce premier président démocratiquement élu. Cette démocratie a eu des avancées, selon les dirigeants du parti créé par Ndadaye, ont-ils indiqué au cours de cette conférence publique tenue ce jeudi. Mais beaucoup reste à faire, selon Fenia Senigaba, vice-président et porte-parole du Front pour la démocratie au Burundi. Vous êtes là, les médias sont présents ici. Il y a un manquement, car nous savons que, quelquefois, vous allez chercher de l'information et que les détenteurs vous en refusent. Il faut qu'il y ait changement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations de la société civile. Nous savons qu'il y a celles qui sont derrière le pouvoir et d'autres qui mènent des actions en toute liberté. Tout ça, il faut corriger. La justice est active, mais aujourd'hui, elle est caractérisée par plusieurs manquements. Même le chef de l'État aime dire que la justice burundaise n'est pas équitable. Il faut qu'il y ait changement, coûte que coûte, pour suivre la route tracée par Ndadaye. Pour que la démocratie soit consolidée au Burundi, Sylvestre Ntibantunganya demande aux responsables des partis politiques, ceux du Frodebout y compris, de ne pas faire ces formations politiques et leurs propriétés privées. Il ne faut pas sous-estimer vos compagnons de lutte politique dans vos partis politiques respectifs. Que personne ne pense que le seul élément moteur du parti. Il faut que les responsables des formations politiques comprennent qu'un jour, ils seront remplacés. Que personne ne s'accroche à la tête du parti, mais qu'il cherche à préparer son successeur. Que personne ne fasse une formation politique, sa propriété privée. Sachez que tout change, tout évolue. Personne n'est irremplaçable. Tout le monde aura son successeur. Les cérémonies de commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du premier président démocratiquement élu et héros de la démocratie sont prévues ce samedi 21 octobre. Évariste Nzikobanyanga, le point de vue lancé par le président du parti Kodebou sur la vie nationale fait référence d'une certaine manière au prince Louis Gwagasore qui n'a jamais usé de violence. Analyse d'un politologue et enseignant d'université sur base des accusations portées contre le président de ce parti pour docteur ambassadeur Denis Banchimiyoubusa, ce que le président du Kodebou a écrit ne s'agit pas d'une infraction. S'il serait poursuivi pour cela, suivez ses explications. Dans le premier message, il a rendu hommage au prince Louis Gwagasore et à son parti, UPRONA, qui nous ont conduits à l'indépendance. Et dans le deuxième tweet, il a dit qu'au moment où le Burundi croupit dans la misère sans précédent, à cause du leadership défaillant, le parti Kodebou invite la population à ne pas céder à la résignation et de prendre l'exemple du prince Louis Gwagasore pour redresser la situation qui ne fait que s'empirer. Ces deux messages en soi ne constituent rien comme infraction. Parce que, premièrement, lorsqu'il parle de misère, nous voyons la flambée des prix, les denrées alimentaires ou autres produits importés. Et dire que nous avons un leadership défaillant, c'est d'abord le message du président de la République. Il nous montre toujours des leaders qui sont défaillants. Et il le dit lui-même. Et en témoigne le nombre de responsables qu'il a déjà remplacés. À partir du premier ministre, les ministres, même récemment il y a eu un remaniement ministériel. Certains ont été remplacés, d'autres destitués. Les gouverneurs de province, les administrateurs communaux, les chefs de zone. Et puis, il termine en invitant la population à faire comme le prince Louis Gwagasore pour redresser la situation qui ne fait que s'empirer. Le prince Louis Gwagasore n'a jamais fait recours à la violence. Il n'a jamais pris une seule arme pour lutter contre la colonisation. Parler d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, je n'y vois rien dans ce tweet. Kefani Bizi a été incarcéré. Parmi les accusations, nulle part ne figure le tweet que vous évoquez. Si jamais il a été évoqué pour autre chose, là on ne saurait le savoir. Parce que nous, les informations qui nous sont parvenues sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a été incarcéré suite à ces deux tweets, notamment le deuxième tweet. Donc si c'est pour autre chose, là on ne saurait le savoir. Ce politologue appelle les pouvoirs publics à respecter la liberté des partis politiques. Il rappelle que les lois et règlements du Burundi garantissent la liberté d'expression aux leaders des partis politiques comme tout autre citoyen, moyennant bien entendu des limites. Écoutez encore une fois Denis Banchimiyoubusa. Il faut d'abord rappeler que l'article 31 de la Constitution nous dit quoi ? L'article nous dit que la liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Kefani Bizi, dans un premier temps, en tant que citoyen, il a le plein droit de s'exprimer. Deuxièmement, en tant que président d'un parti politique, il est non seulement de son droit, mais aussi de son devoir de saisir un fait historique comme celui-ci pour exprimer la position du parti. Donc, il est dans son rôle, comme on le dit. Est-ce que dans cette liberté d'expression, il n'y aurait pas des limites ? Oui, il y en a. Mais dans les tweets que nous avons pour Kefani Bizi, comme je viens de le montrer, il n'y a rien de violation de la loi. Maintenant, s'il est en prison, c'est un abus de pouvoir, je dirais, parce qu'il n'a rien fait de contre la loi. Le message que je donnerai premièrement au pouvoir public. En l'occurrence, le ministère ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, le ministère de l'Intérieur. Il faut laisser les partis politiques fonctionner librement, s'exprimer librement, s'associer librement. Ça, ce sont des droits garantis par la Constitution et d'autres textes internationaux ratifiés par le Burundi. Deuxièmement, c'est aux leaders des partis politiques. Il faut qu'il parle, il faut qu'il se manifeste, il faut qu'il s'exprime pour donner leur position sur différents faits, différents événements politiques ou historiques qui marquent le pays. Denis Banchimiyoubusa s'entretenait avec Alain Désiré Boukeyeneza. Le président de transition de la République gabonaise est en visite au Burundi ce vendredi. Général de brigade Bis Oligui Nguema s'est entretenu tête à tête avec le président burundais Evariste Ndayishimiye avant de rencontrer la communauté gabonaise résidant au Burundi. Cet homme fort du Gabon visite le Burundi après la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Après une courte pause, le journal continue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, le déblocage des annales et avancement de carrière pour le personnel des institutions à statut spécial n'est pas possible avec ce mois d'octobre. Veniste Muyabaga a expliqué dans un point de presse de ce vendredi que ces institutions ont fourni des données qui comportent de manquements, notamment l'absence de notation pour du personnel dans certaines institutions depuis 2016 jusqu'en 2022. Pour lui, le dit déblocage dépendra de la présentation des données qui reflètent la réalité. Écoutez le ministre Veniste Muyabaga. Un décret du 1er septembre 2023 harmonise les modes et taux d'avancement pour les personnels des institutions à statut spécial. Faisant suite au décret ci-cité, les institutions concernées ont fourni les données relatives à l'impact budgétaire du déblocage administratif et avancement fictif de la carrière. L'analyse de ces données a révélé plusieurs irrégularités qui ne permettent pas la rémunération des personnels des instituts à statut spécial. Ces irrégularités concernent l'avancement systématique de tous les personnels suivants en même taux, faisant croire qu'ils ont une même notation sur toute la période concernée par le déblocage administratif. Le calcul de l'avancement suivant le taux prévu par le décret pour les institutions qui n'ont jamais bloqué les avancements depuis 2016. L'ajout d'autres avancements divers pour certaines institutions. L'absence de notation du personnel de 2016 à 2022 dans certaines institutions. L'augmentation non justifiée des salaires pour certains responsables, etc. De tout ce qui précède, la commission chargée d'appuyer la mise en œuvre de la politique salariale dans les institutions à statut spécial, en collaboration avec le ministère en charge des finances et les institutions concernées, est à l'œuvre pour un contrôle approfondi. Au regard de l'ampleur de ce travail, il serait difficile d'envisager la rémunération du personnel dans ces institutions pour le mois d'octobre 2023, en application du décret 100/193 du 1er septembre sur l'harmonisation des modes d'avancement. Ainsi, la responsabilité dans le retard du déblocage et du ressort de ces institutions qui ont fourni de fausses données, le déblocage sera donc fait après la correction de toutes ces imperfections. Veniste Muyabaga est ministre de la fonction publique. L'octroi des terres cultivables pour les déplacés des inondations, la recherche de solutions durables pour les habitants de la zone Gatumba et Rukaramu menacés par les inondations. Voilà quelques demandes formulées par le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Nsengiyumva, à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à la réduction des risques de catastrophes. Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi promet d'appuyer dans la prévention et gestion des risques de catastrophes, Jean-Marie Mayong. La célébration de cette journée a été débutée par une visite guidée de l'école fondamentale de Mushasha 1, une école souvent menacée par les eaux et la partie appelée Kigwati, où les habitations aussi sont souvent inondées par les eaux de la rivière Rusizi. Les habitants de cette localité ont essayé de se protéger en y plaçant des sacs pleins de sable, empêchant le débordement de ces eaux de la rivière Rusizi. Dans son discours, le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Nsengiyumva, a précisé que les habitants de la zone Gatumba sont souvent victimes des inondations et certains ont quitté leur domicile à cause de ces inondations. Il a lancé un appel au ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire de tout faire pour trouver des terres cultivables à ses citoyens et de trouver une solution durable à la question des inondations qui menacent la population dans cette zone. Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, via son délégué Asima Michael, a dit que le Burundi est parmi les pays les plus touchés par les aléas climatiques. Il a en outre précisé que le système des Nations Unies au Burundi continuera à appuyer pour lutter contre ces aléas et combattre les inégalités. Le Burundi fait partie des pays les plus touchés par les aléas climatiques dans le monde. L'aggravation du réchauffement climatique année après année nous incite à accroître davantage notre coopération pour renforcer la préparation aux catastrophes, les mesures de prévention et le déploiement des capacités nécessaires à une réponse et un relèvement efficace à tous les niveaux. Et ça, c'est le coordinateur représentant qui parle, c'est pas moi. L'action du système des Nations Unies dans l'adaptation au changement climatique s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes 2018-2025, dans la troisième orientation stratégique du plan national de développement 2018-2027 et figure en bonne place dans la vision 2040-2060 du Burundi. Le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur a signalé que la célébration de cette journée est une occasion d'évaluer les activités déjà réalisées par le gouvernement dans la réduction des risques et catastrophes. Il a invité les organisations internationales qui interviennent dans ce domaine de continuer à appuyer le Burundi en collaboration avec le réseau national de réduction de risques et catastrophes. La journée internationale de la réduction des risques et catastrophes est célébrée chaque année le 13 octobre, mais au Burundi, cette journée a été célébrée ce vendredi en date du 20 octobre. Sous le thème « Lutter contre les inégalités pour un avenir résilient ». Jean-Marie Mayonga, le Burundi a besoin de plus de 10 millions de dollars en vue de mettre en œuvre la politique nationale du tourisme. Le Conseil des ministres a analysé le projet relatif au mercredi et dans ses priorités figurent notamment l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur et la formation de la police nationale en cette matière. Dans un extrait du compte rendu lu par le secrétaire général du gouvernement et porte-parole, le gouvernement du Burundi est conscient que le secteur du tourisme reste encore en arrière par rapport aux autres pays de la région. Et les projets du gouvernement peuvent être mal exécutés lorsque les producteurs des statistiques ne les fournissent pas dans les meilleurs délais. Propos de Nicolas Ndayishimiye, directeur général à l'intérim de l'Institut national de la statistique du Burundi lors du lancement du 12e mois de la statistique ce vendredi. Il appelle les services des statistiques dans différents ministères à les publier en temps réel. Je propose de l'écouter. Tous les ministères, depuis 2020 jusqu'à ce jour, font les publications annuelles des statistiques de leur secteur. Nous avons un défi que nos autorités ne cessent de nous lancer, c'est de pouvoir raccourcir la publication de certaines données et produire des données infra-annuelles et conjoncturelles pour pouvoir publier des données qui permettent aux décideurs de prendre des décisions sans attendre longtemps. Faire des publications mensuelles, faire des publications trimestrielles ou semestrielles. Là où c'est possible. Y aurait-il une perte si une fois ces données ne sont pas fournies à temps? Oui, il y a des pertes en matière de suivi, en matière de planification, en matière même de prise de décision. Donc la planification, pour qu'elle puisse être efficace, doit se baser sur des faits réels. C'est-à-dire que ce sont des statistiques qui doivent donner et la situation de base, et la situation à mi-parcours, et à la situation de fin de tel programme ou projet qui est élaboré. Donc si on n'a pas les statistiques qui sont produites à temps, on fausse certaines planifications. Si on n'a pas des statistiques qui sont produites à temps, on ne fait pas le suivi approprié pour la mise en œuvre des programmes et projets de développement. C'est pourquoi, quand les statistiques sont produites tardivement, il y a des pertes en matière de planification, en matière de suivi, en matière de prise de décision. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana, qui a assuré la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Jean de Dieu Irakozi. Isa.